20 minutes après, Lisbeth et Crevel entraient à l'hôtel de la rue Barbet, où Madame Marneffe attendait dans une douce impatience le résultat de la démarche qu'elle avait ordonnée. Valérie avait été prise, à la longue, pour Wenceslas de ce prodigieux amour qui, une fois dans la vie, étreint le cœur des femmes. Cet artiste manqué devint, entre les mains de Madame Marneffe, un amant si parfait qu'il était pour elle ce qu'elle avait été pour le baron Hulot. Valérie tenait des pantoufles d'une main, et l'autre était à Steinbock, sur l'épaule de qui elle reposait la tête. Il en est de la conversation à propos interrompue dans laquelle il s'était lancé depuis le départ de Crevel, comme de ces longues œuvres littéraires de notre temps, au fronton desquelles on lit, la reproduction en est interdite. Ce chef-d'œuvre de poésie intime amena naturellement sur les lèvres de l'artiste un regret qu'il exprima non sans amertume. « Ah, quel malheur que je me sois mariée !» dit Wenceslas. « Car si j'avais attendu, comme le disait Lisbeth, aujourd'hui je pourrais t'épouser. » « Il faut être polonais pour souhaiter faire sa femme d'une maîtresse dévouée, » s'écria Valérie, « et changer l'amour contre le devoir, le plaisir contre l'ennui. »